Brunet, la vache au prêtre. Je conte l'histoire d'un vilain et de sa femme. Pour la fête de Notre-Dame, ils allaient prier à l'église. Le prêtre, avant l'office, vint prononcer son sermon. Il dit qu'il faisait bon donner pour Dieu si l'on sait le comprendre, que Dieu rendait au double l'offrande à qui donnait de bon cœur. Entends-tu, fit le vilain, belle sœur, la promesse de notre prêtre, qui pour Dieu donne de bon cœur, reçoit de Dieu deux fois plus. Nous ne pouvons mieux employer notre vache, si bon te semble, que de te la donner pour Dieu au prêtre. D'ailleurs, elle produit peu de lait. Sire, je veux bien qu'il l'ait, fait la dame, à cette condition. Alors, ils s'en viennent à leur maison, sans faire plus long discours. Le vilain entre dans son étable, prend sa vache par le lien et va la présenter au doyen. Le prêtre était habile et rusé. « Beau sire, fait l'autre les mains jointes, pour l'amour de Dieu, je vous donne blairin. » Il lui met le lien au poing et jure qu'il n'a plus de bien. « Ami, tu viens d'agir en sage, fait le prêtre don Constant, qui pour prendre est toujours à l'affût. Retourne en paix, tu as bien fait ton devoir. Qu'ils fussent tous aussi sages, mes paroissiens, que vous l'êtes, j'aurais abondance de bêtes. »